Chapitre 12e à New York. Il était exactement 3h10 au chronomètre du bord quand, sans patience, qui depuis longtemps déjà avait la jumelle collée aux yeux, dit d'une voix un peu étranglée « Je crois que voilà la Terre. » Il indiquait du doigt, un peu à gauche, un point que l'ingénieur ne pouvait voir à l'œil nu. « Vous êtes sûr ?» interrogea ce dernier. « Oui, île ou continent, je ne sais. Mais je distingue nettement là-bas quelque chose qui n'est pas l'eau. » Un quart d'heure s'écoula encore, puis on put distinguer à l'œil nu la nature de la Terre entrevue. C'était une petite île qui apparaissait aux aviateurs sous la forme d'une sorte de croissant posé sur les flots. Plus loin, encore des îles, ou plutôt des îlots, et à droite, une longue banque de terre contournée dont une extrémité semblait rattachée au continent. L'ingénieur avait ralenti. Il fit étendre sur son volant, par sans patience, une carte de l'Amérique du Nord à grande échelle, et les yeux fixés tour à tour sur les terres qui apparaissaient, puis sur la carte, il cherchait à deviner à quel endroit du continent américain il arrivait. « Nous sommes beaucoup plus au sud que je ne le croyais, » dit-il enfin. « Je sais que nous obliquons vers cette direction depuis ce matin. Mais lors de notre panne d'hélice, nous avons dû beaucoup dériver au sud, car alors je comptais aborder le continent dans les environs du 45e degré de latitude, nous voilà tout près du 42e degré. Alors ?» interrogea sans patience. « Alors nous sommes au Cap Cad. Les îles que vous voyez là ne peuvent être que celles qui se trouvent en avant de New Bedford. Newport se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest. Et New York ? Il est à environ 250 kilomètres d'ici en droite ligne, également au sud-ouest. Qu'allons-nous faire ? Ce que vous voudrez, mon ami. Pourrions-nous arriver à New York avant la nuit ? » L'ingénieur se mit à rire. « Pourquoi riez-vous ? » demanda sans patience, étonné. « Quelle heure croyez-vous qu'il est ?» interrogea à son tour l'ingénieur sans répondre. « Mais 3h30 ?» répondit sans patience après avoir consulté le chronomètre. « Oui, 3h30 à Paris. Mais vous oubliez que nous sommes à 70 ou 75 degrés à l'ouest de Paris, et qu'en progressant vers l'ouest, on gagne 4 minutes par degré sur le soleil. Comme je vous le disais, il est peut-être 3h30 du soir à Paris, mais ici, il est de 10h30 à 11h du matin. Je m'étonne que vous l'ayez oublié. » Sans patience, se déchargea sur le crâne un formidable coup de poing. « Imbécile ! » s'écria-t-il. « C'est fiche trop vrai que je l'avais oublié. Nous aurions donc le temps de gagner Philadelphie aujourd'hui. Certainement. D'ici, cela nous ferait un trajet de 350 à 400 kilomètres. L'affaire de 3 heures au grand maximum. Vous voudriez aller directement à Philadelphie ? Qu'en dites-vous ? « Je vous avoue qu'une escale à New York me plairait assez. En somme, rien ne nous presse plus maintenant que nous sommes au-dessus du continent. »« Va donc pour New York, » dit sans patience. « Faites comme vous l'entendrez, mon ami. » Déjà, les aviateurs survolaient New Bedford. Sur la prière de son ami, l'ingénieur descendit à 200 mètres. Sous eux, en effet, les rues et les quais étaient noirs de monde, et à l'aide de sa jumelle, sans patience put voir que toute cette foule, la tête levée, gesticulait en les acclamant, en jugé par les bouches ouvertes et les clameurs qui, par bouffées, montaient parfois jusqu'à eux. Il distingua même nettement un homme qui, brandissant un drapeau tricolore, indiquait du geste le sud-ouest comme pour les inviter à atterrir. « On dirait que tout le monde là nous attendait, » fit remarquer sans patience, étonné. « Vous pensez bien, » répondit l'ingénieur, « que tous les navires que nous avons rencontrés en route se sont empressés de télégraphier la nouvelle ou de la faire connaître en arrivant à terre. Du Maine à la Floride, toute la côte américaine devait être en émoi. Or, depuis 4 jours, on n'a eu de nous aucune nouvelle. Aussi devait-on nous croire morts. Jugez de l'étonnement et de l'enthousiasme de tous ces braves gens en nous voyant, pour ainsi dire, surgir de l'océan. Alors on doit être prévenu à New York, n'en doutez pas. Et vous pouvez vous attendre à une ovation monstre quand nous atterrirons. » Bientôt, sans s'inquiéter de la déception des enthousiastes habitants de New Bedford, les aviateurs laissèrent cette ville en arrière et atteignirent Newport. Même foule, même acclamation, même enthousiasme. L'ingénieur d'ailleurs, tout en remontant par prudence à 600 mètres, suivit la côte, ce qui lui permit de reconnaître Stonington, New London, New Haven et Norwalk. Partout, les populations étaient sur pied, semblant attendre leurs passagers, et manifestant leur enthousiasme avec une ardeur toute américaine. Et même, dans le détroit de Long Island, entre Norwalk et New York, Comme il volait au-dessus de la mer, laissant la côte à 2 ou 3 kilomètres au sud-ouest, ils rencontrèrent un navire de guerre, un grand croiseur, portant à sa corne le pavillon étoilé, qui, en les apercevant, hissa les couleurs françaises à côté du pavillon national. Puis, de sa tourelle avant, s'échappèrent successivement 3 nuages de fumée, tandis que le bruit de 3 coups de canon arrivait jusqu'aux aviateurs. « Jusqu'à la marine militaire qui nous salue !» dit l'ingénieur. « Si cela continue, nous allons finir par nous croire quelque chose. » Sans patience ne répondit pas, mais au fond, son amour-propre était doucement chatouillé. Et puis, en véritable lorrain qu'il était, ce n'était pas à lui seul qu'il pensait. La réussite de leur audacieuse randonnée était encore un fleuron ajouté à la couronne de gloire de la patrie. L'enthousiaste admiration de la jeune Amérique allait non seulement à eux, mais au drapeau de la vieille France qui claquait dans la brise au-dessus de leur tête. Et quel orgueil patriotique de se dire que cet exploit sans précédent, qui bouleversait toutes les données acquises en matière d'aviation, avait été réalisé par 2 Français. Tel était le sens des phrases que les 2 amis échangeaient, à la fois heureux, émus et fiers. Tous 2 avaient oublié le véritable motif qui les avait lancés dans cette périlleuse aventure. Ils ne voyaient qu'une chose, dans cette audacieuse course au progrès où ils avaient failli laisser leur vie, ils étaient les champions de la France, et leur victoire avait proprement l'allure d'un triomphe national. Bientôt, le détroit de Long Island se rétrécit, et sur leur droite, l'Hudson apparut. Puis ce furent des bassins couverts de mâts et un océan de maisons. Des 2 côtés du détroit, soudés par l'immense pont, à Brooklyn comme à New York, les quais et les rues étaient noirs de monde. Dans le port et les bassins, quantité de navires étaient pavoisés, et sur les ponts ou les mâts, des matelots gesticulaient, la bouche ouverte, tandis qu'à vitesse ralentie, l'aéroplane progressait, cherchant un point d'atterrissage. Sans patience, distingua bientôt que des mains armées de drapeaux tricolores ou américains se tendaient vers l'ouest avec une persistance qui ne laissait aucun doute. On voulait évidemment leur indiquer un lieu d'atterrissage. Ils survolèrent ainsi New York dans sa largeur, traversèrent l'Hudson et planèrent sur Jersey City. Entre les dernières villas de Jersey et le chemin de fer, se trouvait une assez grande plaine qu'entourait une foule immense. Au milieu, un espace était dégagé dans lequel se tenaient plusieurs hommes, dont l'un brandissait un immense drapeau tricolore. Les 2 aviateurs comprirent que c'était là qu'on les invitait à atterrir. L'ingénieur se disposait même à couper l'allumage afin de préparer sa descente en vol plané, lorsque sans patience s'écria tout à coup, en indiquant du doigt quelque chose vers l'ouest, « Tiens, un confrère !»